how to fight. Mm-hmm. Salut, c'est Bande à part, l'émission du rock progressif. Marie, réveille-toi! Qu'est-ce qu'il y a? Eh, c'est pas l'heure de Bande à part, l'émission du rock progressif? Oh, mais oui, t'as raison, il est 15 heures aujourd'hui. Bah, on est dimanche. Ah oui, c'est quelle heure? Bah, c'est 10 heures. Ah oui. Et eh ben, c'est quoi qui coule? Eh ben, c'est le bar! Bande à part, l'émission du rock progressif. Le 15 de chaque mois. Supertramp. lies on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. I know, I know, I know. conversation, toutes ces bêtises. Maintenant, c'est là-dedans que ça se passe. Plaisir, c'est messieurs, mon ami. 3615, code Brume FM. Première nouveauté de l'émission FM, un groupe canadien. You're listening to Bonaparte, the progressive program in Lyon. Oh, 10h35, vous êtes toujours à l'écoute de Bande à part, l'émission du rock progressif. Le 15 de chaque mois sur Brume, bien sûr. Après FM, qui est un groupe canadien qui a produit une flopée de disques, nous allons écouter le deuxième album, intitulé Black Noise, c'est-à-dire le bruit noir. FM, groupe canadien, donc, je le rappelle. Nous allons continuer avec une deuxième nouveauté, Iman. Iman est un groupe espagnol qui a sorti deux albums. un premier et un deuxième. Le deuxième est superbe, le premier également aussi, mais le deuxième est quand même plus recherché, plus travaillé. Il s'intitule Camino de l'Aguila, c'est-à-dire le chemin de l'aigle. Tout est dit déjà dans l'intention, la démarche un peu tout à fait progressive. De ce combo, d'un groupe à l'orée des années 80 qui malheureusement n'a pas perduré et qui n'a produit que ces deux petites perles. Tout de suite sur Brume et Bande à Part, Iman. We'll be right back. Bande à part, l'émission du rock progressif. Lost my way back home yesterday, with no directioning at all. No. I thought I'd have to run and hide, so I won't hurt nobody's pride. Oh no, no. Do you believe in magic now? Yes, I do. I really do all the time. Would you say that I was a fool? Yes, I would. I really would, and it's true. So empty, meaningless and negative to me. I could have died. Hobbies and the strangers, perfected in their glasses as they drank, not seeing eye to eye. Many days I've traveled, going round in social circles, lost along the way. Many nights I've reveled, when I thought I saw the message in a bottle. Drifted away. Je trouve que vous êtes gâté avec un inédit d'Asia, totalement introuvable, après un inédit de Pendragon. Je ne sais pas si on va tenir la cadence longtemps comme ça. Voilà, donc je viens de recevoir à l'instant un invité surprise, et ça fait plaisir, puisque bon, des fois on se sent un petit peu seul derrière son micro. Et donc, avec nous ce matin, malgré l'heure un petit peu tôt, donc, puisqu'il est 11h25, donc un ami est passé nous voir, et donc je vais lui céder bien la parole, on va l'interviewer un petit peu. Je pense que c'est une personne qui a des choses à dire au niveau du rock progressif et du rock en général. J'ai nommé Monsieur Loulou Grosdent. Monsieur Loulou Grosdent, bonjour. Bonjour les amis. Monsieur Loulou Grosdent, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons. Pour nos chers auditeurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, quelle est votre profession? Tout le monde le sait néanmoins, je le rappelle. Je suis producteur de rock. Producteur de rock, oui. Et alors justement, j'aimerais avoir votre avis personnel, votre avis sur le rock progressif. Sur le quoi? Sur le rock progressif. Ah oui, d'accord, c'est le rock progressif. Eh bien, je dirais, sans embâche et rapidement, que c'est une musique qui n'a pas un impact commercial formidable. Hein. Au niveau des ventes et du top 50, c'est vraiment pas ça. Hein. Oui, non, mais monsieur Loulou Grosdent, je voulais savoir un petit peu plutôt au niveau de la qualité, au niveau... Je vous dirais que ça se vend pas bien, hein, et donc on peut pas vraiment parler d'un mouvement. C'est quelques groupes. D'abord, est-ce qu'il y a des groupes qui existent encore de nos jours? C'est plutôt quelque chose des années 70, non? Non, non, pas du tout. Il y a des groupes. Bon, là, effectivement, à la première heure, on a passé quelques vieilleries, comme on dit. On a dépoussiéré un peu les musées. Mais là, on a entamé avec Pendragon, avec Asia. Et puis, bon, j'ai encore d'autres nouveautés, style Edith, par exemple, ou... The Last Detail ou For Absent Friends, c'est des groupes qui sont vivants et qui portent haut la flamme du néo-progressif. Ah oui, mais moi je vous dirais qu'au niveau impact et au niveau produit, c'est pas encore ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez, ça je peux pas le vendre et en tirer des bénéfices substantiels. Hein. Bon, ben monsieur Loulou, Grosdent, je vous remercie pour cette intervention. Et si vous n'avez pas d'inconvénient, nous allons passer justement à un petit groupe hollandais, un jeune petit groupe hollandais qui vient de sortir un CD. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, comme on dit sur d'autres chaînes et d'autres ondes, For Absent Friends, c'est-à-dire pour des amis absents, disparus. Un mini-CD qui comprend trois morceaux et c'est absolument superbe. Donc en exclusivité sur Brume... Les exclusivités, on en a maintenant des cargaisons, vous avez l'habitude, notamment sur Bande à part, l'émission du rock progressif. Voici For Absent Friends, et je vous rappelle que c'est bien sûr un groupe hollandais. Seemed like a dream last night, I didn't know what to say. How could I feel so blind? To let it slip away. Have to believe when I say you're all I'll ever need. Don't think it matters anymore. Seems like a lifetime ago. What we had didn't have doubts, you know. We never thought it would end. So I believe when you said it's slipping through our hands. So many changes we've life goes on, no matter what you do. Please don't tell me I'm to blame. Day by day, year by year, nothing stays the same. trying, trying so hard. I've been trying, crying in the dark. Yeah. reality. Coming to